Calche, Atos Ignore Production, Covitama, Black Cat 2008, c'est ça. J'ai trouvé le rap dans un coin de rue où j'ai grandi, l'univers du shit, des condés et des bandits. Je m'appelle Égal, j'ai comme un gun, j'ai comme ta gueule. Dans mon corps, j'ai comme un cœur recouvert de plaques de parpaing. Peu d'amour dans ma tête, c'est le carpin. On me reproche d'être mal poli, un alcoolique qui crie fort, nique la police. J'aime les pétasses, j'fume pas le pétard, j'suis respectable, pas fané comme des pétales. J'piaffe comme un trou avec mes crouilles. On intègre les bandes qu'avec ses couilles. J'viens d'ici bas, slogan cigale. Le futur, j'le regarde dans un cigare. Chant des voyous sous les cagoules, condamné à canner sous les cartouches. C'est la rue qui nous mène dans le mal. C'est Black Cat, c'est gâché, convitable. Le peur a une façon de penser. La violence, une manière de danser. C'est la rue qui nous mène dans le mal. C'est Black Cat, c'est gâché, convitable. Le peur a une façon de penser. La violence, une manière de danser. Je trouvais l'inspire, un sorti vers seul dans mon trip. Je devais avoir quand on se bougeait la première fois que j'ai fait appel au stylo pic. Vas-y, balance le beat. Laisse-moi braquer l'instru, même sur un son mélancolique. J'déploie de la haine dans mes récits. Pourquoi veux-tu que je te parle d'amour? Je te l'ai déjà dit, moi dans ma vie y'a que du sexe. La preuve, jour après jour, la vie me blesse. Mon son vient de la street, là où les jeunes ont de la haine sur le cœur. De l'amour pour le gun. Ils sont toujours au B pour insulter les keufs. Ici présent, je me dois de représenter mon secteur nord. Le chemin vert, poil Dieu, transition, château et vorpère. Château et vorpère. Chez nos rêves, c'est soudé comme du fer. Je suis fier de parler du pont de fer. C'est le QG, les souvenirs de ma vie. BSM, les trois lettres de ma ville. HLM et Tessy, pris d'assaut, pris d'un sort par les grues ou les gosses, pris d'un sol. Solidarité, c'est dans toutes nos têtes. Tu connaîtras la vie de ouf après écouter mon texte. Après kiffer ce thème où il n'y a pas le jeu. Jeunesse perdue au Jerrycan évolue dans le feu. La tête vers le haut, un mic dans la bouche. Je suis l'attentat du rap FR, écoute ça fait un boom. C'est la rue qui nous mène dans le mal. C'est Black Cat, c'est gâché, convitable. Le peur a une façon de penser. La violence, une manière de danser. C'est la rue qui nous mène dans le mal. C'est Black Cat, c'est gâché, convitable. Le peur a une façon de penser. La violence, une manière de danser. C'est la rue qui nous mène dans le mal. C'est Black Cat, c'est gâché, convitable. Le peur a une façon de penser. La violence, une manière de danser. C'est la rue qui nous mène dans le mal. C'est Black Cat, c'est gâché, Covidam. Le peur a une façon de penser. La violence, une manière de danser.